Vie de vrai, les boycotter, Je fais qu'écrire et ça fait des années. Rien n'a changé, je suis toujours le même enfoiré. Boycotter pour ceux qui sont enfermés. La voix du peuple peu à peu sait s'affirmer. Laisse tomber, on ne fait que s'enfoncer. À croire que l'État aimerait trouver nos points G. L'antisémitisme est loin de son apogée. Belzébuth pour nous a tellement de projets. J'ai la force de croire en un monde meilleur. Pourtant je vois de plus en plus de jeunes braqueurs. J'ai du mal à t'aimer, pourtant j'ai du cœur. Peu ont du vécu, beaucoup savent jouer l'acteur. Y'a qu'au poste de police que je fais le menteur. Je suis un salaud mais je ne souhaite pas ton malheur. Faut que je laisse filer ma haine et toute ma rancœur. J'ai RDD avec le diable à 20h. Je suis l'associé du diable. J'ai signé le pacte, tu feras fumer d'une balle. Moi j'ai le sourire que quand je te vois dans le mal. Et bizarrement je trouve ça normal. Je suis l'associé du diable. J'ai signé le pacte, tu feras fumer d'une balle. Moi j'ai le sourire que quand je te vois dans le mal. Et bizarrement je trouve ça normal.